La lettre qu'on donnait à lire au marquis avait été concertée entre elles. C'était la Denonfi qui paraissait l'avoir écrite par ordre de sa mère. Et l'on y avait mis d'honnête, de doux, de touchant, d'élégance et d'esprit, tout ce qui pouvait renverser la tête du marquis. Aussi, Anne accompagnait-il chaque mot d'une exclamation. Pas une phrase qu'il ne relut. Il pleurait de joie. Il disait à Madame de la Pommeraye, « Convenez donc, madame, qu'on n'écrit pas mieux que cela. » J'en conviens. Et qu'à chaque ligne, on se sent pénétré d'admiration et de respect pour des femmes de ce caractère. Cela devrait être. Je vous tiendrai ma parole, mais songez, je vous en supplie, à ne pas manquer à la vôtre. En vérité, marquis, je suis aussi folle que vous. Il faut que vous ayez conservé un terrible empire sur moi. Cela m'effraie. Quand la reverrai-je? Je n'en sais rien. Il faut s'occuper premièrement du moyen d'arranger la chose et d'éviter tout soupçon. Elles ne peuvent ignorer vos vues. Voyez la couleur que ma complaisance aurait à leurs yeux si elles s'imaginaient que j'agis de concert avec vous. Mais marquis, entre nous, qu'ai-je besoin de cet embarras-là? Que m'importe que vous aimiez, que vous n'aimiez pas? Que vous extravaguiez? Démêlez votre fusil vous-même. Le rôle que vous me faites faire est aussi trop singulier. Mon ami, si vous m'abandonnez, je suis perdu. Je ne vous parlerai point de moi, puisque je vous offenserai. Mais je vous conjurerai par ces intéressantes et dignes créatures qui vous sont si chères. Vous me connaissez. Épargnez-leur toutes les folies dont je suis capable. J'irai chez elles, oui, j'irai, je vous en préviens. Je forcerai leurs portes. J'entrerai malgré elles. Je m'assierai. Je ne sais ce que je dirai, ce que je ferai. Car que n'avez-vous point à craindre de l'état violent où je suis ?